إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pour faire un résumé, on va reciter les piliers et les obligations de la salat et expliquer quelle est la différence entre un pilier et une obligation. Et après cela, inshallah, on va continuer le cours. Naam. Donc bien sûr, il a cité les conditions de la salat, les conditions de validité, les piliers et les obligations. Déjà, qui se rappelle, là, ceux qui étaient avec nous? Quelle est la différence entre un pilier et une obligation? Les deux sont obligatoires. Il y a un point commun entre les deux. Celui qui le délaisse délibérément, sa prière est invalide. Que ce soit le rukn ou bien le wajib. Celui qui le délaisse un rukn, celui qui délaisse un rukn min arkan al-salat, un pilier parmi les piliers de la salat, délibérément, sa salat elle est annulée. Celui qui laisse un wajib, une obligation qui n'est pas un pilier, parmi les obligations de la salat, délibérément, de son plein gré, aliman, qui connaît son hukm et qui le délaisse, sa salat elle est batil. Ça c'est le point commun aussi encore entre les deux. Maintenant il y a une différence. Le pilier, celui qui le délaisse par ignorance ou par oubli, sa salat, elle est batila. Tant qu'il ne le refait pas, tant qu'il ne rattrape pas ce pilier, tant qu'il est encore dans la salat. C'est-à-dire, il revient au pilier qui manque et il finit la suite. Amma al-wajib, l'obligation qui n'est pas un pilier, celui qui le délaisse par ignorance ou par oubli, s'il s'en rappelle pendant la salat, il devra rattraper ce manquement par sujud de sahou, par les deux prosternations de réparation. Mais s'il ne s'en rappelle pas pendant salat, il a oublié, ou il était ignorant du hukm. On va parler d'abord de l'ignorant. Celui qui était ignorant du statut juridique de ça, il ne sait pas. Lâchez, allez, il n'a rien à faire. Sa salat est sahih. Mais celui qui savait que c'était obligatoire, mais il a oublié de le faire. Il a oublié de faire sujud de sahou. Alors que l'obligation, celui qui le laisse, il le délaisse par oubli. Il délaisse une obligation par oubli. Celui-là, s'il s'en souvient pendant la salat, alors il n'y revient pas. Il n'y revient pas. Il ne peut pas revenir d'un pilier à une obligation. Mais il fera deux prosternations de réparation avant le salam. Et s'il ne s'en souvient qu'après salat, si c'est proche, il fait deux prosternations de l'oubli. Si c'est tout de suite, juste après, où il a encore les ablutions, où il est encore à la mosquée. Et si c'est loin, il y a ikhtilaf entre les ulama. Certains, ils disent, il n'a rien à faire. Certains disent, dès qu'il s'en rappelle, il les fait. Il fait deux prosternations comme ça. Wadih. Donc, vous avez vu la différence entre les deux? Pourquoi les savants ont différencié entre les deux? Comment, c'est-à-dire, la preuve de la différence entre les deux? Ils ont remarqué que certaines obligations, elles font partie de l'essence même de la salat. Si tu les enlèves, il n'y a pas de salat. وَهَذَا هُوَ الرُّكْنِ هُوَ مِنْ مَاهِيَةِ الشَّيْءِ. Il fait partie de l'essence même de la salat. Amma al-wajib, c'est une chose qui est obligatoire dans la salat, mais ça ne fait pas partie de son essence même. Ça ne fait pas partie de son essence même. Et on a remarqué cela comment? Du prophète, alayhi salat wa salam. Quand il a oublié certains actes de salat, dans salat, il les a rattrapés avec deux prosternations de l'oubli. Alors on a compris que cela, ils ont un degré moindre par rapport au pilier. Pardon. Donc c'est comme ça que les savants ont différencié entre ces deux. Rukn wal wajib. Il faut savoir que cette différence, elle n'est pas dans tous les madahib. Chez l'Ahnaf, ou chez le Malikiya, ou chez le Shafi'iya, ils n'ont pas tout à fait les mêmes ta'arifs, les mêmes définitions, barakallahu fik, et les mêmes degrés de différence entre les deux. Par exemple, chez le Malikiya, il y a le Furud ou le Sunan, le Fard ou le Sunna. Mais ils différencient les Sunna. Sunna al-Mu'akkada ou le Sunna ghair al-Mu'akkada. Donc, ils n'ont pas tout à fait la même vision. Mais dans le madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal, qui est le madhab sur lequel Cheikh Ibn Baz a étudié, bien qu'il n'ait pas resté attaché à ce madhab. Et chez Ahlul Hadith, les savants du Hadith, en général, ils différencient entre l'arkan et le wajiban. Certains aussi chez le Shafi'iyya, ils ont cette différenciation-là. Et les preuves du Coran et de la Sunna, elles appuient cette différence entre l'arkan et le wajibat. Taïb. Une fois qu'on a su cela, on va citer l'arkan et le wajibat. Avant de citer ça, je veux rappeler encore autre chose. Quelqu'un qui a oublié un rukn, un pilier parmi les piliers de la salat, que doit-il faire? Il est dans la salat. Par exemple, il se rend compte qu'il n'a pas récité la fatiha. Il est en sujoud, il se rend compte, j'ai pas récité la fatiha. Que doit-il faire? Il se lève, il fait la fatiha, il fait sa rak'at en entier, il fait toute sa salat, et il fera deux prosternations après le salam, à cause de tous les mouvements qu'il a fait en plus. Tous ses recours, sujoud en plus, il fera deux prosternations après le salam pour cela. Donc le pilier, quand on a oublié, on y revient automatiquement. Obligatoirement, on y revient. Dans un seul cas, on n'y revient pas. C'est si on se souvient qu'on n'a pas récité la fatiha, alors qu'on est à la deuxième raka'a, on est en train de réciter la fatiha. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce point-là? On efface la première raka'a, comme si elle n'existait pas. Et on compte la deuxième, comme si c'était la première. Et on finit la salat, et on fera deux prosternations de réparation après le salam, pour combler, pourquoi? Pour rattraper tous les gestes qu'on a fait en plus dans la première raka'a qui n'a pas compté. Est-ce que c'est clair? Voilà comment on rattrape un rukn. Un pilier. Il n'y a pas d'autre moyen. Pareil pour le sujoud, pareil pour le rukou'. Toutes ces choses-là, il n'y a que certains piliers, ils ne peuvent pas se rattraper. Comme takbirat al-ihram, debout. La personne qui l'a fait, il n'est même pas entré en salat. Celui-là, il n'est même pas entré en salat. Donc, il devra refaire takbirat al-ihram et recommencer tout depuis le début. Pareil, al-taslim. Faire le salam à la fin. La personne qui ne fait pas salam à la fin, il n'est jamais sorti de salat. Donc il a annulé sa salat avec toutes les paroles et les gestes qu'il a fait. Donc si il a fait beaucoup de gestes, beaucoup de paroles, etc., il s'est rappelé, s'il est encore dans la mosquée, on va dire, ou il n'est pas encore loin de la salat, il revient, il s'assoit, il fait taslim et il fait deux sujouds après salam. Comme c'est arrivé au temps du prophète, alayhi salat wa salam, qu'il n'avait fait que deux rak'at au lieu de quatre, il a été s'adosser à un poteau, et une personne est venue le voir et dit, oh messager d'Allah, est-ce que la salat, elle a diminué? Ou est-ce que tu as oublié? Il a dit ni l'un ni l'autre. Il a dit si, au messager d'Allah, tu n'as prié que deux rak'at. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a regardé les autres compagnons, il a dit est-ce que Dhul Yadayn, est-ce qu'il a dit c'est vrai? Et ils ont dit oui, au messager d'Allah, tu n'as fait que deux rak'at. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu, a fini les deux rak'at qu'il manquait, a fait le salam et il a fait deux sujouds après le salam pour tous les gestes, les paroles en plus qui se sont passés. Wa'adih. Mais par contre, celui qui a oublié de faire taslim et un trop long moment est passé, il est sorti de la mosquée, il a perdu le wudu, il recommencera la salat obligatoirement. Donc voilà comment on rattrape un pilier. Il n'y a pas d'autre moyen de rattraper un pilier. Il faut l'amener. Le pilier, il faut obligatoirement le faire. Il ne se rattrape pas avec deux sujouds de sahou, avec deux prosternations d'oubli ou de réparation. Il n'y a rien qui remplace le pilier dans la salat. Amma al-wajibat, les obligations, on doit les faire. Si on a oublié de les faire à leur moment, alors on n'y revient pas et on les rattrapera avec deux prosternations de réparation avant le salam. Si on a oublié de faire les deux prosternations de réparation avant le salam, on les fera après le salam. Wada inshallah yuzi. Voilà comment on rattrape les manquements dans la salat. Il faut que ce soit clair, inshallah. Maintenant qu'on a su cela, on va citer les piliers et les obligations. Tout ça, on l'avait déjà fait, hein. Je fais un résumé rapide, inshallah. Donc, on avait dit aussi, barakallahu fikum, que l'on va rester sur les avis de Cheikh dans le tarjih. On va bien, par exemple, les questions sur lesquelles il y a divergence entre les ulama. Est-ce que c'est un pilier, c'est pas un pilier? Est-ce que c'est un wajib, c'est pas un wajib? Donc, on a dit que s'il y a une divergence, parfois on la cite. Mais qu'on reste, comme on explique le livre du Cheikh, alors on reste sur les avis du Cheikh. Non. Donc, les piliers pour le Cheikh, il en a cité 14. Se tenir debout si c'est possible. Prononcer takbirat al-ihram debout. Réciter surat al-fatiha. S'incliner. Se relever après l'inclinaison. Se prosterner sur les 7 membres du corps. Se relever de la prosternation. Se tenir assis entre les deux prosternations. Faire preuve de quiétude dans chaque mouvement. Accomplir ses actes dans l'ordre. La récitation de la formule de tashahhud finale. La réciter en étant assis. Faire la prière et les invocations sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et faire les salutations finales. Lui, il a dit les deux salutations finales. Donc, il voit que c'est pas permis une. Wadih. Donc, pourquoi je dis ça? Par exemple, sur le fait qu'il est cité que invoquer sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un pilier. Il y a 3 avis des savants sur ça. Est-ce que c'est un pilier ou un wajib ou une sunna? Chacun a ses adillah. Cheikh, lui, il devance le fait que c'est un pilier car l'ordre est venu en cela. Et sahaba l'a dit, les compagnons dans le hadith rapporté par Muslim, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui ont dit « Umirna an nusalli alayk » On nous a ordonné de faire la salade sur toi. فكيف نصلي عليك؟ Comment on fait la salat sur toi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné. Donc, umirna, quand ils ont dit umirna, c'est-à-dire on nous a ordonné. Donc, c'est une révélation qui leur a ordonné de faire cela. Non. Et plusieurs hadiths. Celui qui veut plus de détails, il retournera, par exemple, au livre Sifat Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam de Cheikh Al-Albani et d'autres, inshallah. Ça, ce sont les piliers de la salat. Maintenant, le wajibat. Les obligations. Le cheikh en a cité 8. Il a considéré tous les takbir, chaque takbir qu'on fait hors takbirat al-ihram. C'est des wajibat, c'est une obligation. C'est-à-dire que celui qui délaisse un de ses takbir amdan, de son plein gré, alors sa salat elle est annulée. Non. Le fait de dire pour l'imam et la personne qui prie seule, Sami Allahu liman hamida. C'est une obligation. Le fait de dire Rabbana wa lakal hamd par tous les fidèles. C'est-à-dire pour les fidèles derrière l'imam et pour l'imam et le munfarid et celui qui prie seul aussi. Le fait de dire Subhana Rabbi al-Azim pendant le rukou. Minimum une fois. Le fait de dire Subhana Rabbi al-A'la pendant le sujoud. Minimum une fois. Le fait de dire Rabbi ghfirli quand on est assis entre les deux sujouds. Le fait de faire le tashahhud du milieu. Et le fait de faire ce tashahhud en position assise. Donc ça, c'est ce que Cheikh a considéré comme wajib, comme obligatoire. On avait dit que pour Rabbi ghfirli, il y a une divergence. Certains y voient que le hadith ne prouve pas que c'est wajib, mais plutôt que c'est mustahab. Et on avait rajouté 2 wajib, 2 obligations. L'isti'ada, le fait de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Car Allah tabarak wa ta'ala a dit Wa idha qara'ta al-Qur'an fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. Quand tu lis le Qur'an, prends protection auprès d'Allah contre le shaitan, le lapidé. Donc c'est un ordre. Et aussi le fait de dire Amin. Pas à haute voix, c'est sunnah, mais le fait de le dire, c'est wajib. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa idha qala ay al imam ghayr al maghdubi alayhim wa la ad-dallin faqulu Amin. Donc, il a ordonné de le dire. Ça, c'est ce qu'on a pu rajouter. Mais al-ra'i shaykh, sur l'avis de shaykh, c'est des sunnahs. Ce ne sont pas des obligations. Wadih, inshallah. Puis les deux autres avis, pour l'isti'ada et le fait de dire amin. Le fait de dire amin, Cheikh Al-Albani dit cela. Pour l'isti'ada, certains ahl al-hadith ils disent cela. Taïb. Après avoir cité al-wajibat, le Cheikh a énoncé ce qui devait être dit dans le tashahhud. Quelle est la formule de tashahhud qu'il a choisie pour être dite? Il faut savoir que tout ce qui est l'adhkar, les invocations, les évocations, que ce soit dans salat ou en dehors de salat, c'est des umur tawqifiyya. Ce sont des adorations et il est interdit à quelqu'un de faire quoi que ce soit sans une preuve. Car Allah tabarak wa ta'ala dit Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dan bihi Allah. Allah ta'ala dit est-ce qu'ils ont des associés qui leur ont légiféré dans la religion ce sur quoi Allah n'a pas donné d'autorisation? Donc cela prouve que avant de légiférer quoi que ce soit dans les adorations ou dans la religion, il faut d'abord l'autorisation, le wahy. De même, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit man ahdatha fi amrin hada ma laysa minhu fa huwa radd wa fi riwayat al-ukhra man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa radd. Celui qui fait un acte dans lequel il n'y a pas notre ordre, il est refusé. Ce hadith prouve qu'avant de faire un acte dans les adorations, il faut attendre l'ordre du prophète, alayhi salatu wassalam. وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةِ وَالْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوْقِيفِ. La base dans les choses de la vie, c'est que c'est halal jusqu'à preuve du contraire. Et la base dans les adorations, c'est haram jusqu'à preuve du contraire. Ça, c'est des bases مُقَرَّرَةً عَنْدَ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. Donc, de là, l'importance que Cheikh a ramené les formules. Quelle formule on doit utiliser pour faire le tashahhud? Il y a plusieurs formules sahiha, véridiques, qui ont été rapportées du prophète alayhi salatu wassalam. Et on trouve des gens aujourd'hui, ils ont laissé ces formules véridiques et ils se tournent vers d'autres formules où ils se sont mélangés entre les formules. Et en fin de compte, la formule qu'ils utilisent, c'est peut-être pas une des formules que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisées. Pour cela aussi, je vous enjoins à revenir au livre Sifat Salat al Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Cheikh Al-Albani, il énonce les différentes formules authentiques, de même que pour la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La salat, on dit la prière, mais en fait c'est la louange du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car salat ala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que c'est le sens de salat ala al-Nabi? C'est al-thana alayhi, le fait de le louer. C'est qu'Allah il le loue et il parle bien de lui auprès des anges. C'est ça, al-salat ala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous on dit sallallahu ala Muhammad ou Allahumma salli ala Muhammad, c'est-à-dire ya Allah, parlons bien du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam auprès des anges. Wadih. C'est pas comme certains ont dit al-baraka, al-du'a bil-baraka. Non. Car il y a al-mughayara dans l'aya, Allah tabaraka wa ta'ala, il montre que entre salat et le baraka, il y a une différence. Même dans salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit salat al-ibrahimiyya, on demande la salat et puis le baraka après. Donc ça montre bien que ce sont deux choses différentes. Non. Donc le tashahhud, ici le cheikh énonce la formule du tashahhud. At-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أبخي لنص الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Donc ça c'est une version sahiha que le cheikh a choisi d'énoncer. Il n'a pas énoncé toutes les autres versions authentiques. Mais celui qui prend celle-là, il se suffit de celle-là, alhamdulillah, il aura évoqué Allah, tabarak wa ta'ala, fait le tashahhud et la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la louange sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une manière légiférée. Naam. Puis après cela, le sheikh a énoncé, ثُمَّ يَسْتَعِذُ بِاللَّهِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ومن فتنة المسيح الدجال ثم يتخير من الدعاء ما شاء ولا سيما المأثور من ذلك ومنه Et il en a cité. Donc, il a dit, et après cela, il fait quoi? Il demande protection auprès d'Allah tabarak wa ta'ala contre les quatre choses. Le fait de demander protection d'Allah à Allah tabarak wa ta'ala contre ces quatre choses-là, la majorité des ulama voient que c'est une sunnah, c'est l'avis de Cheikh. Certains parmi les ulama voient que c'est un wajib, c'est une obligation, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de le faire. Non. Et il a dit, après cela, on fait les doigts que l'on veut. Et il a cité quelques-unes, comme Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati. Non. Cette doua, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Mu'ad. Il a dit, je t'aime, ya Mu'ad. Il lui a dit, je t'aime, ya Mu'ad. N'oublie pas de dire après, à la fin de chaque salat, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati. Les savants ont divergé, est-ce que cela doit se dire dans le tashahhud, c'est-à-dire avant le taslim ou après le taslim. Avant le taslim ou après le taslim. Ici, le sheikh a rajah, la parole du sheikh l'islam ibn Taymiyyah, de dire ça avant le taslim, de le dire ça dans les du'as qu'on l'on dit après le tashahhud. Non. C'est pour ça qu'il a dit, après avoir demandé protection à Allah contre ces quatre choses, on peut dire les du'as que l'on veut. Et le mieux, c'est de dire les du'as qui ont été rapportés du prophète, والسلام, comme celle-ci que l'on vient de citer. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ce qui veut dire, dans le sens, Ya Allah, aide-moi à t'évoquer et à être reconnaissant envers toi et à t'adorer avec perfection. Dans le sens des paroles. Puis il a cité, le sheikh a cité, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant. فَغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكْ وَرْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Il a cité cette dua, ce dua que Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu citait et qu'il avait apprise. Allez, radiallahu anhu. Non. Ici, une chose importante. Comme la salat, dans la salat, on fait les adhkar que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Dans le tashahhud, on le fait le tashahhud que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Il y a aussi des sunnahs à respecter à la fin de salat. Ici, le cheikh, il n'en parle pas, mais je vais faire une petite parenthèse qui est importante sur cela, car on en voit beaucoup de pratiques qui sont contradictoires à la sunnah du prophète, alayhi salatu wassalam, après avoir terminé la salat. Parmi les actes contradictoires à la sunnah du prophète, sallallahu alayhi salam, après la salat, c'est de faire une dua directement après avoir fait salam. C'est-à-dire, on dit assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, on lève les mains. Et on fait du'a. Et les ulama ont considéré cela comme une bid'a, comme une innovation. Car jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a fait. Ni même ses compagnons. Ni même cela a été rapporté par un hadith da'if. Même un hadith faible ne rapporte pas cela. Min fi'alihi sallallahu alayhi wa sallam ou min fi'ali sahaba. De ses actes sallallahu alayhi wa sallam ou des actes des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le seul hadith qui est juste et qui est authentique, que l'on pourrait interpréter dans le sens de faire du'a après salat, c'est un hadith qui encourage de faire du'a après salat, ou à la fin de salat. Et en fait, ce hadith, quand on le comprend avec les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les actes des sahaba, on le comprend que la du'a elle est acceptée après salat. C'est ça dans le sens du hadith. Donc, on comprend que cela veut dire après, c'est-à-dire à la fin, pas après. L'anna dubur, dubur fi lughati al-arab, dubur dans la langue arabe, ça peut dire la fin d'une chose, c'est-à-dire sa fin à elle-même, ou ça peut vouloir dire après la chose. Comme chez l'être humain, duburahu, c'est son derrière. Et pourtant, il fait partie de l'être humain. Fahakada, dubur al-salah, après, dubur al-salah, la bonne traduction de dubur al-salah, dans ce sens-là, en regardant les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses actes et les actes des sahaba, car les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on les comprend mieux avec ses actes. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit prier comme vous m'avez vu prier, après, on a compris la manière de prier en le regardant, sallallahu alayhi wa sallam. Fahakada. Quand il dit que les du'as sont acceptés à la fin de salat, donc, on comprend cela en regardant ce qu'il faisait. Qu'est-ce qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam après le tashahhud? Il faisait les du'as. Il invoquait Allah avant de faire le taslim. Donc, ce hadith parle de ces du'as-là. Les du'as à dire avant le taslim et non pas après le taslim. Non. Aussi, parmi les actes qui ne sont pas légiférés après salat, c'est de faire une du'a en groupe, que ce soit tout de suite après salat ou même plus tard. tout de suite après salat ou même après l'adhkar, comme ils font dans certains pays, ils lèvent les mains à l'imam et tout le monde lève les mains et ils disent Amin avec l'imam. Ceci aussi, les savants ont considéré cela comme une bid'ah. De même que ce n'est pas légiféré tout de suite après salam de se lever faire salat tout de suite, tout de suite. Car il ne faut rien coller à l'obligation qui fait un acte que, dont on pourrait croire qu'il fait partie de cette obligation-là. Cela, on le retrouve beaucoup chez l'Ahnaf, que ce soit chez, en Turquie ou en Inde ou Pakistan. Il a dit « Assalamu alaikum », il est déjà debout. Tu tournes la tête, tu le vois déjà debout en roukoua. Tu dis « Subhanallah, j'ai même pas eu le temps de respirer, il est en roukoua. » Et souvent, moi, quand je fais imam, je me tourne parfois, je suis tourné, je le vois déjà en sujoud. C'est-à-dire, j'ai fini le salam, j'ai à peine eu le temps de faire trois dhikr, je me suis tourné, il est déjà en sujoud. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur, car c'est comme ça que la bid'a, elle rentre. Avec le temps, qu'est-ce qu'il va se passer? Pour les gens, ils vont croire que ces deux rak'at qui viennent après, elles sont collées à l'obligation. Et ils auront inventé quelque chose dans la religion. C'est pour cela que les savants mettent en garde contre cela. Donc, ce qui est demandé, c'est que la personne qui veut la sunna, c'est de faire des adhkar d'abord. Tous les adhkar qui sont rapportés après salat. 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 33 fois Allahu akbar, avec en disant la ilaha illallah, 33, il y a plusieurs façons de le dire. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, 33 fois. Et la centième, la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku, lahul hamdu, huwa ala kulli shay'in qadir. Ça, c'est une manière rapportée. La deuxième, 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 34 fois Allahu akbar. La troisième, 25 fois subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Toutes ces manières et d'autres encore manières qui sont rapportées, il est bon de changer, de faire parfois celle-ci, parfois celle-là, car tout ceci a été rapporté du prophète, alayhi salat wa salam. Une chose aussi qui est importante, la sunna, une sunna que beaucoup de gens délaissent, réciter ayat al-kursi après chaque salat, obligatoire. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la personne qui récite ayat al-kursi après chaque salat obligatoire, après chaque salat, la seule chose qui le sépare du paradis, c'est la mort. Aussi réciter qul huwallahu ahad, qul a'udhu birabbil falaq et qul a'udhu birabbin nas après chaque salat. Et après le fajr et le maghrib, les réciter trois fois. Ce sont des sunnahs qui sont importantes à faire. Il y a dedans la demande de la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de gens se plaignent aujourd'hui. Je suis touché par l'aïn, par le sihr, par je ne sais quoi. Ils ne font pas, ils n'évoquent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, ils ne font pas la prière alors. Ils ne s'éloignent pas du shirk. Ils n'ont pas concrétisé le tawhid, le monothéisme pur. Et après, ils ne font pas les adhkar, les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées pour être préservés. Après, ils se demandent. Ils ne font pas les adhkar après les salawat, après les prières obligatoires. Ils ne font pas les adhkar avant de dormir. Ils ne dorment pas avec les ablutions. Ils ne font pas les adhkar à faire matin et soir. Ce sont des choses simples pour, dans lesquelles il y a la revivification des cœurs et de la foi et dans lesquelles il y a une grande protection contre tout mal. Donc voilà une petite parenthèse qu'il fallait énoncer. Car comme on a parlé de la fin de la salat, il fallait parler aussi de ce qui se passe après la salat. Barakallahu fikum. Naam, akhi. Vous avez demandé dans chaque rak'a qu'on fait dans la prière, est-ce qu'on doit dire protection contre le shaitan ? Oui, dans chaque rak'a on dit l'isti'adha. Hada huwa as-sahih, inshallah. Certains ulama ils disent que non, mais certains d'autres ils disent, comme tu dis d'autres paroles, tu dis adhkar, tu fais des rukours, tu fais des sujouds, tu fais des du'as. Donc, il est légiféré de refaire l'isti'adha. Donc, on dira, inshallah, le plus juste c'est de faire l'isti'adha pour chaque rak'a. Naam. S'il fait rapidement, tu dis rapidement, Inch'Allah. Non, Inch'Allah, si tu es derrière un imam, tu sais qu'il récite rapidement, tu les récites rapidement. Tu récites. L'important, c'est que tu aies récité la Fatiha, au minimum. L'isti'adha et la Fatiha. Mais si tu n'as pas récité la Sourate, comme on va voir, c'est une sunnah. Ce n'est pas une obligation. L'important, c'est que tu récites la Fatiha, Inch'Allah, derrière l'imam. Barakallahu fik. Et quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est tourné à Salat al-Fajr, dans le hadith de Ubadah ibn al-Samit ou hadith Abi Huraira, il s'est tourné, il a dit, vous lisez alors que l'imam lit, ils ont dit Na'am ya Rasulallah hadhan. Hadhan, ça veut dire on mange les mots, on le dit rapidement, on lit rapidement. Donc le sahaba, il lisait derrière l'imam rapidement. Na'am hadhan ya Rasulallah, c'est à dire quand il lisait à voix haute. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la taf'alu illa bi ummi al-kitab, ne le faites pas sauf avec la mère du livre, le Fatiha, car il n'y a pas de prière pour celui qui ne l'allait pas. Non, on avait dit ça dans l'ancien cours quand on a parlé des piliers, que c'est une obligation pour l'imam et le ma'moum à voix basse ou à voix haute de réciter la Fatiha. Ça, c'est la vie le plus juste. Et da'wa al-nasr, ceux qui disent que c'est mansour, il n'y a aucun dalil sur cela qui est clair. Donc, on dira, inshallah, on prendra, on réunit entre les hadiths qui interdisent de réciter avec l'imam et les autres qui ordonnent de réciter au moins la fatiha, que l'interdiction, elle concerne les sourates autres que la fatiha. Non. Les actes recommandés dans salat, Cheikh, il en a cité quelques-uns. Il y en a beaucoup. Il ne les a pas tous cités. Et il a cité, les, on va dire, l'essentiel de ce qu'il voulait citer. On va citer cela, inshallah. Il a dit, « Dua al-istiftah ». C'est l'invocation que l'on dit juste après « Takbiratul Ihram ». Allahu Akbar, c'est une invocation qu'on dit à voix basse. La majorité, presque tous les savants disent que c'est recommandé. Et même Cheikh Al-Albani a dit, « Si j'avais trouvé quelqu'un parmi les salafs qui dit que c'était obligatoire, je l'aurais dit. » Mais comme il a trouvé personne parmi les salafs qui le dit, ça l'a poussé à délaisser cette parole. Non, de dire que c'est obligatoire. Donc, Dua al-Istiftah, c'est une sunna. Il y a plusieurs sirs, plusieurs formules de Dua al-Istiftah qui ont été rapportées, qui sont sahih. Le fait de mettre la main droite sur la main gauche, sur la poitrine, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est la sunna de tous les prophètes, comme il a été rapporté dans le hadith sahih. Et d'ailleurs, ça a été prouvé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu quelqu'un qui a mis la main gauche sur la main droite dans la prière. Il lui a, pendant la salat, il lui a enlevé la main, il a mis la main droite sur sa main gauche. Et il a dit, nous les prophètes, quand nous prions la droite sur la gauche, sur la poitrine. C'est la manière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a deux manières de mettre la droite sur la gauche qui ont été rapportées. Al-wada, poser la main. Al-qabd, attraper l'avant-bras. Donc, où on pose la paume de la main droite sur le dos de la main gauche, sur la poitrine. Ou bien, on attrape avec sa main droite l'avant-bras gauche sur la poitrine. Ces deux manières sont rapportées du prophète alayhi wa sallam. Wada. Si quelqu'un le fait plus, il le fait moins, il aura khalf. Il n'a pas fait la vraie sifa, la vraie manière. Quelqu'un qui va attraper son coude, non. C'est, si, sauf si c'est trop serré, il est serré dans la salat, il ne veut pas. C'est-à-dire, il plie plus, il croise plus ses bras pour ne pas déranger ses voisins. Il n'y a pas de mal, Inch'Allah. À la kulli hal, mais il n'y a pas de mal, même à ne pas faire la main droite sur la gauche. On aura délaissé une sunna. Mais si quelqu'un il a besoin, on va dire, de le délaisser, parce qu'il a mal au bras, parce que je ne sais pas, il s'est fait opérer. Il n'y a pas de mal, Inch'Allah. Il n'y a rien en cela. Non. Je voulais dire quelque chose. Naam. Al-Sadr. La poitrine. Même en Al-Sadr, les ulama, ils ont deux paroles sur ça. Premièrement, certains, ils voient qu'on met la main sous le nombril. L'Ahnaf. Et aussi, Qawl and al-Hanabila. Cette parole, elle n'a aucune preuve authentique. Elle n'a aucune preuve authentique. Au contraire, toutes les preuves authentiques prouvent que c'est sur al-sadr. Et al-sadr, on peut le comprendre de deux manières en langue arabe. Ou bien sadr, le haut de la poitrine, c'est-à-dire au-dessus des pectoraux. Ça, c'est le sadr. Ou bien sadr, ce que tu présentes. Car sadr, ça veut dire ce qui est en avant, en arabe. Enfin, ce que tu présentes, c'est au-dessus du nombril. Enfin, certains, ils voient, tout ce qui est au-dessus du nombril, c'est sadr. Et certains voient, non, c'est précisément ce qui est au-dessus de la poitrine. Wallahu a'lam. Non. Quoi qu'il en soit, en dessous du nombril, qawlun da'if, et au-dessus du nombril, certains voient que c'est large, que ce soit au-dessus du nombril, peu importe, à partir d'au-dessus du nombril jusqu'à au-dessus de la poitrine, certains voient donc que c'est précisément sadr, ce qui est voulu par cela, c'est au-dessus de la poitrine. Donc, ça, c'est une sunna. Le fait de lever les mains quand on fait takbiratul ihram, quand on va pour l'inclinaison, quand on se relève de l'inclinaison, quand on se relève de la, après le tashahhud, le premier tashahhud, pour la troisième raka'a. C'est les sunna que le cheikh ici a cité. Donc, lever les mains pour takbiratul ihram, c'est une sunna. Quelqu'un qui ne le fait pas, sa salat, elle est sahiha. Elle est authentique, elle est valide. Elle est valide plutôt. Comment on lève les mains? On lève les mains de sorte à ce que les paumes des mains soient au niveau des épaules et que le bout des doigts soit proche des oreilles, sans les toucher. Car il y a des hadiths qui parlent du fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, levait ses mains jusqu'aux épaules. et d'autres qui parlent qu'il l'avait levé jusqu'aux oreilles. Donc pour réunir entre tous ces hadiths, il y a même un hadith où il a été rapporté, Cheikh Najmi l'a rendu ce hadith, il a dit qu'il était authentique, qu'il était acceptable, que la paume est au niveau des épaules et le bout des doigts au niveau des oreilles. وَهَذَا بِهَذَا نَجْمَعْ بِنَ الْحَدِيثِ كُلِّهَا. Et ça, c'est la parole de l'imam al-San'ani, rahimahullah, dans son charh dans Subul Salam, charh de Bulugh al-Maram. Il explique cela, il dit que هَذَا مَا نَجْمَعُ بِهِ بَيْنَ جَمِيعِ الْأَدِلَّةِ. C'est comme ça qu'on peut lui unir entre toutes les preuves, tous les hadiths. Donc on lève les mains, ni trop écartées, ni complètement serrées. Normal. C'est-à-dire on laisse un petit écart, d'une position normale les mains. Les paumes face à la Qibla. Pas comme ça, comme si on allait casser quelque chose. Ou là, hein? Les paumes face à la Qibla. Et on lève les mains pour que la paume soit au niveau des épaules et que le bout des doigts soit au niveau des oreilles, sans toucher les oreilles. On ne touche pas les oreilles, ni avec le bout des doigts, ni avec les pouces comme ils font. Hein? Voilà. Hada la miyarit. Ça, ça n'a pas été rapporté. Quand est-ce qu'on lève les mains? On lève les mains. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a quatre paroles sur ça. Quatre, écoutez bien. Levez les mains avant de faire le takbir. Levez les mains après le takbir. Levez les mains pendant le takbir. Et la quatrième parole, c'est levez les mains, dire le takbir et baisser les mains pendant qu'on dit le takbir. Toutes ces manières ont été rapportées du prophète alayhi salatu wassalam. Toutes ces manières ont été rapportées du prophète alayhi salatu wassalam. Naam. Ici, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il a cité les quatre endroits qui sont les plus fréquents, qui ont été le rapporté le plus. La première, celle qui a été rapportée le plus dans les hadiths et le plus fréquemment, c'est lever les mains avec Takbirat al-Ihram. Puis après cela, le fait de lever avant le ruku' et après le ruku'. Puis après cela, celui de le faire après le tashahhud. Puis il a été rapporté des versions véridiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait les mains avec chaque takbir. Avec chaque takbir, mais cela il l'a fait de temps à autre. Il ne l'a pas fait constamment. Il ne l'a pas fait constamment. Même pour aller au sujoud et de se relever du sujoud aussi. Cela a été rapporté dans le hadith de Malik ibn al-Huwayrith, radiyallahu anhu. Et, sauf que, ça n'a pas été rapporté qu'il le faisait constamment. Donc, c'est pour ça que, Cheikh al-Albani, dans Sifat Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a donné des degrés des degrés d'importance plus importants pour certains endroits où on lève les mains que d'autres. Donc, la première, c'est avec Takbirat al-Ihram et les trois endroits. Avant le ruku, après le ruku, et en se relevant de tashahhud, le premier tashahhud, ça il le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam constamment. Amma les autres fois, lever les mains les autres fois, cela a déjà été rapporté de lui sallallahu alayhi wa sallam, mais de la manière dont ça a été rapporté, cela prouve qu'il ne le faisait pas constamment, qu'il l'a déjà fait. Alayhi sallatu wassalam. Wadih? Non. Lever les mains. Le fait de rajouter plus que une fois le tasbih dans le sujoud et dans le ruku', c'est une sunna. Par exemple, le fait de dire 10 fois et plus Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, ou bien Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim. Ou 3 fois le Adna al-Kamal, le minimum de ce qui est, Inch'Allah, bien et acceptable et parfait, c'est 3. 10, c'est bien. Ça a été rapporté dans certaines riwayat. 10. D'ailleurs, Cheikh Taqiyuddin al-Hilali, rahimahullah. Quand il est arrivé à Médine à l'époque où le mufti c'était Mohamed ibn Ibrahim, Cheikh Mohamed ibn Ibrahim lui a proposé de faire imam, d'être l'imam de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Taqiyuddin a donné une seule condition. Il a dit, ma seule condition, c'est que je ne peux pas faire une salat moins de 10 tasbih dans chaque recours ou dans chaque sujoud. Pour moi, je ne vois pas moins de 10. Et Cheikh, il a dit, non, ça va faire trop pour les gens. Il a dit, dans ce cas-là, je ne veux pas faire l'imam. Je ne veux pas faire l'imam. Donc, il a désigné après responsable de tous les enseignants de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était lui qui était responsable des enseignants, c'est-à-dire de désigner qui devait faire les cours, qui ne devait pas faire les cours dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rahimahumullahu jami'a. Naam. Donc ça, c'est une sunna, le fait de faire tesbih en plus. Le fait, quand il se relève du rukou', après avoir dit Rabbana wa lakal hamd, ou Allahumma Rabbana wa lakal hamd, le fait de dire les autres du'a qui ont été rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça aussi c'est une sunna. Naam. Le fait de faire plus que Rabbir Firli, plus qu'une fois, quand on est assis entre les deux sujoud, on avait dit que le cheikh, il voyait que c'était un wajib, de dire au moins une fois Rabbir Firli. Donc le fait de dire plus d'une fois, ou de dire toutes les autres du'a qui sont plus longues, Allahumma gfirli wa rhamni wa afini, etc. Toutes les ad'iya qui sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de faire que la tête, elle soit droite pendant le rukou', ni trop rabaissée, ni trop levée, c'est une sunna du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que pendant la prosternation, on écarte les coudes du corps et le ventre des cuisses et que l'on n'oppose pas les avant-bras sur le sol. Tout cela, c'est sunna. C'est recommandé de le faire. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de ne pas faire comme le chien dans la salat, de poser les avant-bras, comme le chien pose les avant-bras quand il s'assoit. Mais il faut les lever. Alayhi salatu wassalam. Le fait, donc il y a deux assises dans la salat qui sont bien connues et d'autres assises qui sont détestables. L'iftirash et le tawarruk. L'iftirash et le tawarruk. Ma wa l'iftirash. C'est quoi l'iftirash? C'est le fait de plier le pied gauche sous la fesse et s'asseoir sur le pied gauche. Et de mettre debout, de lever le pied droit, le talon vers le ciel. Et les doigts de pied collés au sol. Ça, c'est l'iftirash. C'est une manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait dans la salat. Quand est-ce qu'il s'asseyait comme ça? À chaque fois qu'il s'asseyait, sauf dans la dernière assise, quand il y a plus de deux, quand il y a plus d'une assise dans la salat. Quand il y a plus d'une assise, c'est-à-dire c'est une salat de 3 ou 4 rak'at. Si c'était une salat de 2 rak'at, non. Mais ceci aussi, il y a divergence dessus. Comme le Malikiya, il voit qu'on s'assoit toujours en tawarruk. Toujours. On va expliquer c'est quoi le tawarruk. Le Shafi'iya, ils disent, on s'assoit en tawarruk quand il y a de salam. Que ce soit le fajr, que ce soit 2 rak'at, que ce soit... C'est-à-dire le seul moment où on s'assoit en iftirash pour eux, c'est entre les deux sujoud et pour le tashahud du milieu. Amma al-hanabila, il voit qu'on s'assoit en iftirash tout le temps, sauf dans la dernière assise, quand il y a plus d'une assise dans une salate. Et ce dernier avis, inshallah, est plus juste, car il unit entre tous les hadiths. Il réunit entre tous les hadiths, et le hadith surtout où il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait de cette assise-là dans la dernière assise de la salate. Dans le dernier tashahud. Donc ce qui prouve qu'il y en a eu un premier. Quand il dit dans un dernier, c'est qu'il y en a eu un premier. Wadih. Donc on a parlé du iftirash. Maintenant on va parler du tawarruk. Qu'est-ce que c'est le tawarruk? C'est la manière dont on s'assoit dans la dernière rak'a quand il y a plus afwan. Dans la dernière assise quand il y a plus d'une assise dans la salat. Quelle est cette manière de s'asseoir? On passe la jambe gauche en dessous de la jambe droite. Le pied gauche il ressort. Il se plie, il fait comme il part en diagonale à partir du genou jusqu'à, on va dire, la cheville du pied droit. Donc le pied gauche sort d'en dessous la cheville du pied droit ou d'en dessous du tibia du pied droit. Et le pied droit, on le met comme on a fait dans l'iftirash. Le talon vers le haut et les doigts de pied collés au sol. Il a été rapporté parfois aussi qu'on peut allonger les doigts de pied comme cela. C'est-à-dire ne pas mettre le dessous des doigts de pied sur le sol, mais les laisser allonger en arrière dans l'iftirash. dans tawarruk, dans tawarruk. Et le tawarruk, c'est la manière de s'asseoir dans la dernière, dans le dernier tashahhud, quand dans la salat, il y a plus d'un tashahhud. C'est-à-dire dans le maghrib, dans notre dhuhr, l'asr, le maghrib et l'isha. C'est-à-dire il n'y a que le fajr dans lequel on ne s'assoit pas de cette manière-là. Le tawarruk. Wadih, inshallah. Il y a d'autres assises où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé de ne pas les faire. Il les a déconseillées ou interdites comme l'iqa'a. C'est le fait de mettre les fesses au sol et les genoux vers le ciel. Aqabatu shaytan, il y a eu plusieurs explications dessus. Parmi les explications qu'on peut retenir, c'est qu'il met ses fesses entre ses deux pieds. Et les deux pieds, ils sont sur les côtés. Non. Ou bien de plier les deux pieds l'un sur l'autre comme ça et s'asseoir sur ses talons. Mais certains savants ont réfuté cela, car il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait comme cela entre les deux soujouds. Il s'est déjà assis sur ses talons entre les deux soujouds, seulement, spécifiquement entre les deux soujouds, pas pour les autres moments. Non. Le fait de faire la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le premier tashahhud, c'est une sunna. Certains voient que c'est détestable, mais ça a été rapporté de manière authentique, que l'on peut le faire et que c'est légiféré de le faire dans le premier tashahhud aussi, pas seulement dans le dernier tashahhud. Le fait de faire la dua, dans ici le cheikh dit dans le tashahhud al-akhir, dans le dernier tashahhud, mais aussi il a été rapporté de manière véridique que même dans le premier tashahhud, on peut faire des dua après avoir fait la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que ce sera moins long. Ce qui a été rapporté que le tashahhud final, il était un peu plus long que l'autre, que le premier. Il y avait plus d'invocations à dire. Le fait de lire à voix haute les deux premières rak'at pour le fajr, le maghrib et l'isha, c'est une sunna. Celui qui ne le fait pas, il aura perdu des récompenses, mais sa salat, elle est acceptée et valide, inshallah. De même, le fait de lire à voix basse dans les deux premières rak'at et dans le reste des salats. À voix basse dans le reste des salats, c'est-à-dire les deux premières rak'at de dhuhr et de l'asr, et la troisième et la quatrième rak'at, de le maghrib et de l'isha et de dhuhr et l'asr aussi. Non. Le fait de lire une autre sourate à part la fatiha, c'est une sunna. Ce n'est pas une obligation dans la salat. Celui qui lit juste la fatiha, sa salat, elle est valide. Mais elle se sera privée de récompense en ne lisant pas une autre sourate à part la fatiha. Et cette sourate à part la fatiha, on la lit que dans les deux premières rak'at. Que dans les deux premières rak'at de la salat. Sauf de temps à autre dans la prière de dhuhr. Il a déjà été rapporté de manière authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité dans salat de dhuhr, dans la troisième et la quatrième rak'a, une sourate après la fatiha, de temps à autre. Et ça c'est spécifique à dhuhr. Cela n'a pas été rapporté pour une autre salat à part salat de dhuhr. Voilà ce que le cheikh a énoncé. Il y a bien sûr d'autres sunnahs. Pas mal de sunnah à énoncer dans la salat, mais voilà l'essentiel de ce que Cheikh a énoncé. Taïb, les actes annulatifs, est-ce qu'il y a des questions là dans le sunnan? Le frère demande, est-ce que Rabbana wa lakal hamd, c'est dhikr al-intiqal ou dhikr al-i'tidal? C'est quoi la différence entre dhikr al-intiqal et dhikr al-i'tidal? Dhikr al-intiqal, c'est le dhikr qu'on dit pendant qu'on change de position. Et dhikr al-i'tidal, c'est une fois qu'on est debout après le record. Chaque moment a son dhikr. Par exemple, le takbir. Les takbirat qu'on fait, takbirat ou l'intiqal. Tu ne peux pas le dire ça, c'est erreur. D'ailleurs, tu m'as rappelé, c'est important que tu me dises ça. Beaucoup de gens font une erreur très grave. Ils attendent d'être prosternés, après ils disent takbirat ou l'intiqal. Ça y est, c'est plus valide. Tu n'as pas fait takbir ou l'intiqal. L'intiqal, le takbir, tu dois dire pendant l'intiqal. Pendant le changement de position. Car il y a un dhikr pour le sujoud. Il y a un dhikr pour quand tu es debout. Le takbir, il est pour l'intiqal. Il n'est pas pour ni quand tu es debout, ni quand tu es prosterné, ni quand tu es assis. Tous ces moments-là ont leur dhikr à part. Beaucoup d'imams font cette erreur-là. Car ils veulent retarder le takbir pour pas que les ma'moumines, les fidèles, le devancent. Mais il ne peut pas faire exprès d'annuler sa prière pour que les fidèles n'annulent pas leur prière. La sunna, c'est de faire le takbir avant de commencer l'intiqal. Il est debout, il dit Allah, et il commence. Avec A, avec la. Il commence la Hamza. Avec la Hamza, après la Hamza, il commence à bouger, il dit Allahu Akbar, jusqu'à qu'il aille en recours. De même, Rabbana wa lakal hamd, il commence à le dire quand il est en recours. Ra, le Ra, Et il se lève de Rabbana wa lakal hamd et il le finit en finissant le rukou. De même pour chaque takbir. Ça, c'est très important. C'est une erreur très, très, très répandue. D'ailleurs, j'en profite, je le dis tout le temps au Jumu'a, ne soyez pas pressés quand vous suivez l'imam. Il a été rapporté dans Sahihayn que le prophète, que les sahabas n'allaient pas en prosternation avant de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam le front au sol. C'est-à-dire avant qu'il ait mis son front au sol, ils étaient encore debout. Une fois que son front il était au sol, ils allaient au sol. C'est comme ça pour chaque mouvement de salat. L'imam fait le mouvement, quand il a fini le mouvement, on commence le mouvement. Dès qu'il finit son mouvement, on commence le mouvement. Aujourd'hui, les gens, ils le devancent ou ils le font en même temps que lui. Quand il finit le mouvement, on commence le mouvement. Il dit Allahu Akbar, il va en rukou. Une fois qu'il est en rukou, on dit Allahu Akbar, on va en rukou. Hakada. Toutes choses comme cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde celui qui lève sa tête du sujoud avant l'imam, qu'Allah ne change sa tête en tête d'âne. Sallallahu alayhi wa sallam wa ta'ala. La réponse, Rabbana wa lakal hamd, c'est dhikru li'tidal. C'est pas dhikru l'intiqal. Ça renforce ceux qui disent que l'imam ou le ma'moumine, ils disent les deux, sami Allahu liman hamida wa Rabbana wa lakal hamd. Car dans chaque mouvement, il y a un dhikr. Dans chaque moment. Donc si, quand le ma'moum, il se lève, il dit pas sami Allahu liman hamida, il dit quoi? Et s'il dit Rabbana wa lakal hamd en se levant, quand il est droit, il dit quoi? Donc le sahih, c'est qu'il dit sami Allahu liman hamida en se levant, il dit Rabbana wa lakal hamd une fois qu'il est droit. Non. Le fait de ne pas dire sami Allahu liman hamida, ça c'est mafhoum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Idha qala sami Allahu liman hamida, faqulu Rabbana wa lakal hamd. La taqulu sami Allahu liman hamida." Ça c'est mafhoum al mukhalafa. طيب. Mais il y a une qaida usuliya qui dit que s'il y a un mantouq qui contredit un mafhoum, le mantouq il est muqaddam. Et comme dans le mantouq, c'est ce qui est dit clairement. Le mafhoum, c'est ce que l'on peut comprendre du contraire de l'ordre. C'est ça le mafhoum. C'est-à-dire que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose, le sous-entendu contraire, c'est de ne pas faire l'autre chose. Wadih? Alors s'il y a une parole prononcée qui contredit une parole sous-entendue, on va résumer comme ça pour faciliter, la parole prononcée est devancée. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Priez comme vous m'avez vu prier », et il a ordonné à celui qui fait la prière, dit « Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd », et il l'a toujours dit, cela prouve qu'il faut le dire. Wallahu a'lam. Il y a divergence sur ce sujet, mais c'est ce qu'on voit être le plus juste, inshallah. L'avis de Cheikh Ibn Baz, c'est que le fidèle, il ne dit pas « Sami Allahu liman hamida ». Il se lève et il dit « Rabbana wa lakal hamd ». Ça, c'est l'avis de Cheikh Ibn Baz et de la majorité des savants. Non. Voilà. Parmi les Mu'assirines, oui, Cheikh Al-Albani lui dit qu'on dit les deux. Ce n'est pas le seul. Il y a des salafs qui l'ont devancé en cela. Non. Je voudrais savoir qu'on sort du record, si c'est sunnah de mettre les mains sur la poitrine. Ça, c'est une question fihi sa'a, Inch'Allah. Quand on se relève du record, est-ce que la sunnah, c'est de remettre les mains sur la poitrine? Il n'y a pas un dalil khas, spécifique, qui prouve cela. Ce sont des dalils généraux, dans le sens où il est revenu, il revient comme il était. Certains, ils ont dit exactement comme il était. C'est-à-dire, il avait les mains sur la poitrine, il remet les mains sur la poitrine. D'autres, ils ont dit comme il était, c'est-à-dire, il était debout, il revient debout, dans sa position normale. وَهَذَا إِنْشَاءَ اللَّهُ أَعْلَمْ. Notre cœur, il se tranquillise vers ce deuxième avis, c'est qu'il ne le met pas sur la poitrine. Mais on ne dit pas, إِنْشَاءَ الْأَمْرُ فِيهِ وَاسِعًا بِإِذْنِ اللَّهِ. Non, quand tu dis Allahu Akbar pour descendre en sujoud, tu commences à le dire. Tu dis le A debout et le Allahu Akbar, le reste de l'afd, pendant que tu vas en prosternation. Tu as fini, une fois que tu t'es prosterné, tu as fini. Et aussi, une erreur que certains y font, je n'ai pas dit. Ça, c'est dans le madhhab al-shaf, et c'est une erreur. Comme ils font jalsat al-istiraha, quand ils se lèvent entre la première et la deuxième rak'at, ils disent Allahu Akbar. Parce que tout le long, ils se lèvent. Pour eux, takbirat al-intiqal, il doit être tout au long de l'intiqal. Wa hada khata'. Hadha ça n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur suffisait de dire Allahu Akbar, même si pendant une partie de du moment où il se lève, il n'y a rien qui se dit. Hadha la shay'a fi inshallah. Taïb. On va passer aux actes annulatifs de la salat. Mubtilatus salat. Le cheikh ici, il a cité 8 actes annulatifs de la salat. Donc il a donné 2 conditions. Le fait de parler intentionnellement, avec connaissance, en connaissance de cause, c'est-à-dire pas l'ignorant. Amma an-nasi, c'est-à-dire celui qui a oublié, ou bien l'ignorant, sa salat, elle n'est pas annulée. Wadih? Ça, c'est arrivé au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car au début, ils avaient droit de parler pendant salat. Jusqu'à qu'Allah ta'ala, il est descendu, il a révélé, wa qumu lillahi qanitin. Il parlait, il se passait salam, il se demandait des choses. Au début, c'était comme ça. Alors, quand Allah Ta'ala a révélé cela, il y en a un, il a fait éternuer dans salat, il a dit une dua. Que d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé, il a dit, les anges ils se sont battus pour voir qui va l'attraper cette dua. Tellement il a aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam ses paroles. Et un autre, il lui a répondu, yarhamukallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après salat, il lui a dit, cette salat, elle est faite pour évoquer Allah et la lecture. Elle n'est pas faite pour les paroles des gens, la vie de tous les jours. Il ne lui a pas demandé de recommencer la salat, car il était ignorant. Donc la parole, comme on a dit, il a été rapporté de Zayd ibn al-Arqam dans le Bukhari et Muslim, qu'il a dit فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَ عَنِ الْكَلَمِ dans la salat. On nous a ordonné de se taire et on nous a interdit d'y parler. Dans la salat. Ça, c'est rapporté par le Bukhari et Muslim. Deuxième acte annulatif de la salat, al-dahik. Le fait de rire. Ibn al-Mundhir, rahimahullah, il dit, ajma'u ala anna al-dahika yufsidu al-salat. Il y a consensus des savants que le rire, il annule la salat. Le sourire ne l'annule pas. Le sourire. C'est-à-dire, si quelqu'un, il sourit sans sortir de son. Mais si un son sort de sa bouche, sa salat est annulée. Non. Parmi les choses qui annulent la salat, ici, il a cité le fait de manger et de boire. Manger, c'est le troisième point. Boire, c'est le quatrième point. Pareil, Ibn al-Mundhir, rahimallah, a dit, il y a un consensus de tous ceux dont on a mémorisé leurs paroles, que celui qui boit ou qui mange dans l'obligation, dans la prière obligatoire, volontairement, alors il doit recommencer la salat. C'est-à-dire sa salat est invalide. Cinquièmement, le cheikh ici, il a cité « Inkishafu al-awra ». Que la nudité, elle se dévoile. On a parlé dans Shurut al-Salat, quelle était la limite de la nudité de l'homme, qui sont du genou au nombril et les épaules dans la salat. Les épaules aussi doivent être couvertes obligatoirement dans la salat. En dehors de salat, ce n'est pas une awra. Mais dans salat, c'est une awra, les épaules, pour l'homme. Et on a parlé longuement de l'aura, que l'aura, ce n'est pas une chose unique dans tous les cas. Il y a une aura dans salat, il y a une aura face devant la famille, il y a une aura devant les amis, il y a une aura dans la rue. Pareil pour la femme. Il n'y a pas une aura générale pour tous les endroits. Selon la personne devant qui on est, l'aura, les limites de l'aura sont différentes. Non. On a parlé de ça en détail. Dans Shurut al-Salat. Donc si il y a une grande partie de l'aura qui se découvre, alors la salat est annulée. Si c'est une partie minime, sans intention, inintentionnellement, sans qu'il fasse exprès, par ignorance, ça n'annule pas la salat. Quelqu'un ne sait pas, il fait salat, sans savoir, il y a une partie de, je sais pas, son pantalon il se relève, et une partie de son genou et de sa cuisse, elles sont découvertes. Il ne sait pas, dès qu'il le voit, il le remet. Inch'Allah, lâchez aller. Amma, si c'est une grande partie qui se découvre, et il ne fait rien pour la cacher, s'il y a une grande partie qui se découvre, même si c'était par ignorance, s'il le sait, après, il devra refaire salat. Taïb. Le fait de se détourner d'un grand angle de la direction de la qibla. Taïb. Comment on peut connaître le fait de se détourner si c'est une grande partie, ce qui annule, et ce qui en est en petite quantité? Enfin, ou ce qui est acceptable. Ça, on le reconnaît à travers les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, le verset فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالشَطْر, c'est une direction qui n'est pas précise, c'est en direction. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pour les gens de l'Madina, بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَ, entre le lever du soleil ou le maghrib et le coucher, il y a la qibla pour vous. واضح. Cela prouve quoi? Si par exemple la qibla, ici, en France, c'est vers le sud-est. D'accord? Tant que son erreur, en allant vers le sud, elle n'arrive pas jusqu'au sud-ouest, c'est acceptable. Si ça arrive au sud-ouest ou plus, sa salat, elle est invalide. De l'autre côté, tant que cela n'arrive pas jusqu'au nord-est, sa salat, elle est valide. On va le faire plus simplement. On va dire qu'on est à Médine, que la salat, elle est vers le sud pour les gens de Médine. Tant qu'il ne fait pas salat vers l'est, sa salat, elle est valide. Tant qu'il ne fait pas salat vers l'ouest, sa salat, elle est valide. S'il l'a fait vers le sud-est, le sud-ouest, c'est valide pour les gens de Médine. C'est ça, le fait de dévier peu de la Qibla, qui est acceptable, Inch'Allah. Mais si on connaît la direction de la Qibla, on se dirige vers la Qibla. C'est obligatoire pour ceux qui sont dans la mosquée sacrée de se diriger vers la Kaaba. Pour ceux qui sont à la Mecque, de se diriger vers la mosquée sacrée. De ceux qui sont en dehors de la Mecque, de se diriger vers la Mecque. هذا هو الواجب في القبلة. نعم. Aussi, un acte qui annule la salat, c'est s'agiter démesurément et continuellement en prière. Par exemple, quelqu'un, si tu le regardes de dehors, tu dis pas qu'il est en salat. Tu le regardes comme ça, tu pourrais pas imaginer qu'il est en salat. Celui-là, sa salat, elle est bâtée là. Il n'a pas de salat. C'est-à-dire tellement il bouge, tellement il regarde partout, tellement ses mains elles bougent, tellement il fait des pas avant, en arrière. Tu le regardes comme ça, on dirait même pas qu'il est en salat. Alors ça, c'est ce qui annule la salat. Par contre, peu de mouvement, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il portait sa petite fille Umama pendant salat, il se baissait pour la porter et se relever. Peu de mouvement, faire un pas, deux pas en avant, pas loin, tendre la main pour ouvrir une porte. Tout ça, il n'y a pas de mal, Inch'Allah. Faire un signe avec la main. Tout ceci, il n'y a pas de mal s'il y a le besoin. Mais la base, c'est qu'on ne bouge pas. Qu'on ne bouge pas, sauf nécessité. Si pour une nécessité, pour un besoin, on a besoin de bouger, on peut le faire tant que ça ne fait pas sortir de la salade. Et ce qui fait sortir de la salade, c'est que si on te regardait de l'extérieur de salade, on penserait que tu n'es pas dans salade. Par exemple, quelqu'un qui marche beaucoup. Il marche comme ça plusieurs pas d'affilée. Tu ne peux pas croire qu'il est en salade, cette personne. Mais il n'y a pas un nombre délimité. Certains fuqaha ont délimité. Il faut faire un pas par un pas. Comme chez Shafi'iyya, il te dit, tu fais un grand pas, tu réunis tes jambes. Tu refais un autre grand pas, tu réunis tes jambes. D'autres, ils disent, chacun comment il l'a dit. Si tu fais plus de trois pas, c'est invalide. Moins de trois pas. Tout ça, c'est des taqdirat. C'est des choses que les fuqaha, chacun a fait l'effort de déduction dessus, mais il n'y a pas de preuve authentique sur cela. Ce qui est juste, c'est de dire que tant que c'est peu, tant que là, on regarde la personne, on ne dirait pas qu'elle est en dehors de la salade, ça n'annule pas la salade. Mais dès qu'il est trop agité, il fait trop de mouvements, au point de croire qu'il n'est pas en salade, alors cette personne, elle devra recommencer sa salade, elle est annulée. Et le dernier point qui annule la salade, c'est perdre les ablutions. La personne qui perd ses ablutions dans salade, sa salade, elle est annulée. Il devra refaire les ablutions et la salade... On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa salli Allahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alameen.